Tu es allé au cinéma, je crois, puisque c'est ta chronique. J'y ai été, effectivement. Tu y allais. Et j'ai été voir Victoria. Ah. Alors, je suis complètement désolée, je ne retrouve plus le nom de la réalisatrice. Je crois que c'est Juliette Trier. Oui, c'est ça, pardon. C'est ça, Gilles, oui. Hein, oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, j'ai été voir Victoria. Donc, Victoria est une femme moderne et accro à son boulot d'avocate. Une femme, quoi. Mais rien ne va plus, les emmerdes s'accumulent et son seul moment d'évasion se résume à des parties de jambes en l'air dans sa chambre. Moderne, je vous dis, hein. Malgré quelques défauts de rythme, on se laisse embarquer dans un tourbillon sans queue ni tête de déboires professionnels et personnels d'une Virginie Efira au top de sa sensualité et de ses nuances de comédienne. On est ravis de l'arrivée inopinée d'un Vincent Lacoste en sauveur. Il s'improvise babysitter pour elle et remettra dans l'ordre dans sa situation. Le jeune comédien quitte enfin ses emplois de jeune premier pour incarner un adulte à l'écran et l'évolution est très plaisante. Melville Poupeau est très appréciable aussi en victime dépressif et autodestructeur. Enfin, Melville Poupeau est très appréciable tout court, on ne va pas se mentir, hein, Floriane ? Oui, on l'aime d'amour. Si l'histoire en fond reste très classique, on est agréablement surpris de constater une ribambelle de scènes absurdes et drôles, ce qui rend le film moins formaté qu'il n'y paraît. Je pense que c'est la plus grande réussite du film, d'avoir réussi à glisser des situations extraordinaires dans une histoire ordinaire et banale, et de réussir l'exploit de nous faire croire que c'est normal. Par exemple, un chien est appelé à la barre pour témoigner. Normal. Tout va bien. Le ton du film a une sensibilité comique gentiment absurde, mais malheureusement ne décollera jamais plus loin. Malgré son air de film féministe et engagé, aucun message n'est véritablement délivré. Le point plaisant est que ce film est sans prétention et ça n'est pas péjoratif de le dire. Jamais l'auteur ne se prend pour une auteure, jamais la dramaturgie ne dépasse l'anecdotique. En revanche, la mise en scène est très scolaire et ne suit pas du tout les folies du texte. Ce genre de portrait à la fois drôle et sensible d'une névrosée touche toute une génération de femmes actives, dépassées et débordées. À voir pour ceux qui aiment donc un cinéma à la fois léger et perspicace, mais sans jamais aller plus loin. Merci Léa. Merci. C'était court, mais efficace. C'était court, efficace et très bien. Merci Léa pour ta critique. Mais avec plaisir.